En cette période de réjouissance, tous les employés de la maison Kia de Dolbeau-Mistassini vous souhaitent un très joyeux temps des fêtes et vous remercient de la confiance témoignée pendant l'année qui s'achève. Que ce moment d'arrêt soit des plus merveilleux et profitez de l'occasion pour fraterniser avec vos proches. Ce sont les vœux de la maison Kia Mistassini, située au 59 boulevard panoramique à Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-1555. Kia, du mouvement, vient l'inspiration. BR Metal, avec ses quatre divisions mobilierpublic.com, BR Industrie, Aluco et BR Peinture, désire souhaiter un très joyeux Noël et une bonne année à toute la population. BR Metal est un employeur important dans le secteur de Dolbeau-Mistassini et continue sa croissance. BR Metal est situé au 353 rue Gustave Dessureau, au numéro de téléphone 418-276-5888. Ici Sandrine Lamontagne. En ce temps de réjouissance, Marc et Martin Lamontagne d'Excavation Dolbeau et son centre de récupération tiennent à vous souhaiter un joyeux temps des fêtes à toute sa clientèle et à tout leur personnel. Pour qui, c'est un peu la fête aussi, car ils célèbrent le 35e anniversaire de l'entreprise. Merci de la confiance et de l'encouragement que vous nous avez témoigné au cours de la dernière année, et il nous fera grand plaisir d'être là pour vous l'an prochain. Au nom des propriétaires et des employés d'Excavation Dolbeau et son centre de récupération, joyeux Noël et bonne année! On va parler d'NBA de CEBL avec notre ami Pascal Jobin. Salut Pascal. Salut Danny, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Beaucoup de nouvelles, Pascal. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, évidemment. Et je veux parler de la CEBL, premièrement. La CEBL, écoute, c'est la Ligue canadienne de basketball qui a vu le jour. Déjà, ça va être sa quatrième année l'an prochain. Et on a une équipe à Montréal, à Québec en 2023. Possible, il y a des bonnes chances, en tout cas. Pascal, moi j'ai été agréablement surpris, très surpris, parce que comme directeur général, je m'attendais à un Will Archambault, quelque chose, même un gars comme toi, ou peu importe, là, tu sais, quelqu'un qui est plus connu au niveau québécois, mais quand j'allais chercher Joel Anthony, qui a joué 10 ans dans la NBA, ça donne vraiment un coup, c'est comme je dis à Annie Larouche, c'est un coup de crédibilité terrible. Là. Absolument, écoute, je pense que c'est un... Moi qui connais bien Joel Anthony, je l'ai entraîné pendant ses années à Miami, quand il venait à Montréal avec l'équipe nationale, il venait passer du temps en gym avec moi. Je lui ai parlé même, je l'ai félicité, puis je suis vraiment content. Je sais qu'il habitait à Toronto, fait que ça va le ramener à Montréal. Puis, tu sais, c'est bon de ramener ces joueurs-là qui ont eu des carrières assez illustres dans la NBA en Europe. On les oublie souvent, tu sais. Ouais. Moi je suis vraiment content. Moi, c'est, je vais supporter l'équipe, je vais aller les voir. Si Joël a besoin de conseils, je vais en donner, mais je suis plus vraiment dans cette opportunité-là, de cette passion-là de j'aime mon sport-études, je suis rendu prof en adaptation à de Mortagne. Fait que j'ai une belle carrière basket puis professionnelle en ce moment. Fait que, mais c'est sûr que je vais être près de l'équipe, je vais la suivre, je vais la supporter. Parce que je pense que c'est important, Danny, que les gens soient au match, soient réceptifs, surtout la communauté de basketball. D'aller chercher Joël Anthony, ben écoute, c'est un, comme je te dis, c'est un très bon choix. Puis les gens vont commencer à parler de nos athlètes du Québec qui ont joué dans la NBA. Tu sais, Danny, en ce moment, on parle que c'est la panique générale au Québec. T'es d'accord avec moi? On n'a pas de joueurs de hockey québécois. On en a de moins en moins. Il n'y a plus de gardien de but. Ben, il y en a un sixième. Ben, c'était mon choix aussi. Bénédicte Mathurin. Écoute, je parlais de ça avec François Paquette hier, qui est un chroniqueur. Puis j'ai dit, sais-tu qu'il va y en avoir un qui va être probablement être dans le top 10 NBA pour le prochain repêchage? Il parle qu'il est francophone comme moi puis toi, puis personne ne parle de lui. Mais donc, c'est ça mon point. Ouais. Toi qui connais le hockey, le prochain repêchage d'Alain Salle de hockey, est-ce qu'il y a un Québécois dans le top 5? Non. Dans le top 10? Le premier qu'on voit, c'est Tristan Luneau, qui est classé 18 à peu près. Écoute, ça serait probablement la première fois dans l'histoire qu'un joueur de Montréal, un Québécois... Qui parle français, en passant comme moi plutôt, là. Oui, un Québécois soit drafté dans la NBA plus haut qu'un joueur, qu'un Québécois dans la Ligue de hockey. Pense-y, là. Ouais. On est rendu là. On est rendu là, c'est ça. Ouais. Ah non, regarde, c'est... Malheureusement, ici au Québec, ben, c'est... on n'en parle pas. Moi, je mets tout... Peter Yiannopoulos, là, je suis beaucoup, moi aussi. Tu sais, je mets tous ses scores, je le regarde. Et puis tu le regardes aussi, Pascal. Il domine dans l'Arizona. Deux fois joueur de la semaine. Les deux dernières semaines, joueur de la semaine du Pac-12. Pas rien, là. Non. Puis, c'est un joueur très spectaculaire. Tu sais, ouais. J'ai eu la chance de son entraîneur pendant un été avec Olivier Maxence, qui est un autre joueur du Québec qui va à Marquette. qui a peut-être une chance de faire la NBA. On a Jamil Telford, un de mes anciens joueurs, Jamil Telford, qui est à Northeastern. Écoute, le basketball québécois, puis nos joueurs là, performent. Puis Thierry Guerrier qui est à Oregon, je ne sais pas comment que ça va, on n'entend pas parler. Fait que si ça va pas, si on n'entend pas parler, ça va pas bien. Non, je pense que ça sera peut-être notre prochaine chronique. On ira voir nos Québécois, que, c'est quoi les stats, puis je te donnerai mon opinion par rapport à leur carrière, si on a une chance de jouer dans la NBA ou d'aller en Europe. Même la CEBL. Et la CEBL. C'est même la CEBL, il va falloir commencer à regarder. Est-ce que tu penses que, on revient à CEBL, est-ce que tu penses que 3500 personnes par match, c'est faisable? Ouf, ça va être dur. Même pas 3000? Ça va être dur. OK. Ça va être dur. Je le souhaite, ça va être dur. Mais mes plus gros matchs au Matrix, c'était 2000, puis c'était vraiment, vraiment spectaculaire, là. Pense-y, là, ouais, à part Duke, qui a joué au Centre Bell, les autres matchs qu'il y a eu au Centre Bell universitaire, c'était à peine 2000 personnes. Tiens, fait que nous, on est rendu au Rouge et Or. Notre premier match d'ouverture, on était à 2200, 2300, qui était, je pense, mais un record. Les matchs sont à la télé. Il y a des matchs à la télé que vous n'aviez pas. C'est quand même un marketing intéressant. C'est à CBC. La Ligue est quand même plus... Donc, il y a une différence entre un match à la télé et est-ce que ton budget rentre dans ta vente de billets? Est-ce que les billets est-ce que les billets vont être chers? Est-ce que les gens vont être à l'appel? C'est la période. Il y a beaucoup de basketball et AU, il y a beaucoup d'activités après l'école. Fait que est-ce que le monde va être... La période est propice à avoir beaucoup de monde, mais est-ce que les gens vont être à l'appel? Est-ce qu'ils vont donner des billets? Est-ce que ça va être... Fait que ça va être intéressant de voir. Je souhaite 3000. 3000, OK. Je souhaite 3000, mais moi, je pense que ça va être entre 500 à 1000. Hein, pas plus que ça, non. Ça, c'est mon opinion et j'espère que je me trompe. Mais là, tu parles du Matrix, le basket a évolué. Depuis que la conquête des Raptors, on voit quand même plus de matchs à la TV, tu sais, on voit plus de... Danny, une chose qui n'a pas évolué, c'est les gens qui vont voir les matchs autres que les Canadiens. Tu comprends-tu? Ouais. Les médias... autre que les Canadiens. Puis il y a une chose, est-ce que les Alouettes qui ont une bonne saison, ils brisent des records d'attendance? Est-ce que l'impact, comprends-tu? On a de la misère à mettre des gens dans des stades, dans des endroits. Mais là, c'est sûr que ça panique encore avec tout. C'est rien pour aider, là, ce qui se passe. Là. Avec la COVID en plus. T'sais, c'est rien pour aider. Il faut que ça arrête, ça. Là. C'est de la folie. C'est carrément de la folie. Là. On est dans la folie. Hey, Steph Curry, je veux te parler de ça. Steph Curry, écoute. Je veux que tu me dises ce que tu m'as dit en dehors des ondes. Steph Curry a réussi plus de 3 points dans dans une saison que tous les joueurs de la NBA dans les années 80 le seul, c'est ça? Ah, je pense que oui, oui. Non, écoute. Steph Curry, ouais. Je pense que 6 saisons où il est numéro 1 dans la NBA de 3 points réussis. 6 saisons consécutives. Le gars qui vient de surpasser Danny. Ray Allen. Il y en a 2 saisons où c'était lui qui avait le plus de 3 points dans une saison de basket. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Lui, c'est un autre niveau. Là. James Harden a 3 saisons. OK? Fait que tu parles d'un joueur... Pourquoi? Parce que Curry avait plus d'habileté ou bien c'est lui qui a amené ça? Ou bien c'est on est rendu à un autre niveau. On est plus ouvert à des tirs de 3 points que dans le temps? Moi, je pense que premièrement... Toutes ses réponses. OK. Ouais. Non, je pense que Steph Curry est spécial. Ouais. Je pense que ce que les jeunes oublient, c'est son conditionnement physique, son mouvement sans le ballon. Il est capable de tirer sans aide. Il est capable de tirer avec un écran. Il est capable de tirer quand il reçoit la balle, puis il n'y a pas besoin de la mettre à terre. Okay? La plupart des joueurs ne peuvent pas faire les 3. Lui peut faire les 3. Okay? Et ça, c'est assez important ce que je te dis là, Danny. L'autre chose... L'ouverture de la 3 points depuis une dizaine d'années a changé le style de jeu. Je te l'ai dit en début d'année, les Warriors, dans un match, ont pris 69 3 points. Mm. Okay? Il y a eu des années, dans les années 90, que quand une équipe en prenait 7-8, c'était beaucoup. Right. Imagine-toi, là, fait, si tu en prends 7-8, puis tu as un joueur qui en prend 3, puis il en rentre 1 sur 3 à 33%, ben c'est beaucoup. C'est devenu un arme. Et je me souviens, lorsque les Spurs ont battu le Heat de Miami avec LeBron en finale NBA, Greg Popovich dit « J'en reviens pas qu'on est rendu qu'on prend 30 lancers de 3 points dans un match. » Ça fait si longtemps que ça, là. Fait que c'est sûr que Steph Curry, il est talentueux. Non seulement il prend des bons tirs de trois points, mais il a réussi à un haut pourcentage de bien plus loin que la ligne de trois points. Et selon moi, là, t'as des Will Chamberlain, des Michael Jordan, mais Steph Curry, au niveau d'avoir influencé le basketball mondial, Danny, il a changé la game. Tout le monde veut tirer des trois points. Tout le monde pense qu'ils peuvent tirer des trois points, mais c'est pas tout le monde qui sont capables. Le premier grand, là, c'est Bird, hein? Ouais, on pourrait dire ça. Est-ce que Bird, dans le contexte d'aujourd'hui, aurait pu être aussi performant qu'un Steph Curry? Ben, je pense qu'un Larry Bird avec une stratégie où on veut prendre des trois points. Ouais. Et je pense que Larry Bird aurait été. T'sais, est-ce que Ray Allen aurait eu une carrière différente s'il jouerait maintenant? Parce que je pense que pour moi, le plus beau tir de basketball, pour moi, là, Danny, okay. C'est Ray Allen. Okay. C'est de toute beauté. Puis je pense que j'aime plus la mécanique de Klay Thompson. Steph Curry est un petit peu un orthodoxe dans ce qu'il fait, mais ça fonctionne. Écoute, je suis jaloux. Steph Curry, c'est une légende. Là. C'est une légende vivante. Donc, tu penses que ce record ne sera jamais battu? Ah, ça va être dur à battre. Il est à 33 ans encore. Ben oui, il reste un 4-5 bonnes saisons. Ouais. Puis, tu sais, c'est pas comme LeBron à aller faire des dunks. Là. Il prend des tirs de 3 points. Fait que, c'est sûr que physiquement, Steph Curry n'a pas été blessé sérieusement dans sa carrière. Il a eu des petits problèmes de cheveux, on s'en souvient, en début de carrière. Mais à part les blessures, je pense qu'il va être très dur à battre. Parce que le mec qui arrête de jouer au basket, Danny, là, il va être... Écoute, il a réussi... Il a battu Ray Allen avec quasiment la moitié des tirs. Ouais, ouais. Ouais, c'est sûr. Il reste encore plein de temps. Fait que non, c'est chapeau à Steph Curry. Vraiment phénoménal. C'est les Européens qui ont amené ça, hein, qui ont popularisé le tir de trois points. Hein. Tu me disais, hein, qui ont amené en Europe, dans le temps, ça tirait plus dans le trois points qu'avant. La ABA. Ouais. Et des années 70, qui est. Plus la trois points, la ABA. C'est une gimmick qu'ils ont ajoutée. Parce que moi, quand j'ai grandi, FIBA, il n'y avait pas de trois points, Danny. Là. Fait que c'est vraiment le basket américain, le Dr. J, la ABA qui ont commencé à mettre des lignes de trois points. Et là, quand il y a eu, en 76, quand les deux ligues se sont joints, la NBA a accepté la ligne de trois points. Fait que c'est quand même une gimmick américaine. Les Européens, je dirais, qui ont commencé à prendre plus de tirs de trois points et l'utiliser comme arme avant les Américains. OK. On peut dire. Ouais. Et tout le monde en Europe sont capables de prendre des tirs de 3 points. Maintenant, si tu joues au basket, Danny, là, puis t'es pas capable de prendre un tir de 3 points, là, t'es mieux de faire quelque chose d'autre vraiment bien parce que c'est difficile de te garder dans ton équipe. Pascal, on va faire une pause. Le temps des fêtes est commencé. C'est la seule place qui est de la pub. Donc, vous êtes à l'écoute de l'entrevue avec Pascal Jobin sur les ondes de danazosport.com. L'équipe de Gagnon Hébert, arpenteur géomètre, souhaite de joyeuses fêtes à toute la population ainsi qu'à sa clientèle et les remercie de la confiance témoignée durant l'année qui se termine. Gagnon Hébert, arpenteur géomètre, 118 rue de Quint, Dolbeau-Mistassini, 418-276-8724. Gagnon Hébert, arpenteur géomètre, vous offre un service à la mesure de vos droits. Le temps des fêtes est déjà arrivé et il est grand temps de remercier les gens qui font notre succès. Et l'équipe de Pega Informatique aimerait remercier sa clientèle qui la soutient pendant toute l'année. Pega Informatique se spécialise dans les solutions d'informatique pour le secteur commercial et industriel. Pega Informatique est située au 747 boulevard Vézina à Dolbeau-Mistassini au 418-276-2108. Vous pensez déjà à vos vacances estivales l'été prochain ou pour vos forfaits motoneige? Chalet Nature Péribonka vous offre le confort total sur le bord de la rivière situé à Péribonka, au nord du lac Saint-Jean, tout près du Sentier fédéré. Chalet Nature Péribonka possède l'Internet illimité et des habitations très récentes. Pour inscription et information, visitez le site Internet chaletnature.info ou contactez-nous au 418-218-1376. La direction et le personnel de Chalet Nature Péribonka souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population et les invitent à la grande prudence pendant l'année qui débute. Pascal, il te reste 5 minutes, je te prends en 2 pauses. Je veux que tu me parles des Raptors. Les Raptors qui, au moment où on se parle de 13 victoires et 15 défaites, ne seraient pas du fameux tournoi. C'est à peu près la saison qu'on avait prévue. Une fiche de 500, hein? Ouais, je pense qu'ils sont capables de remonter, Danny. Je pense qu'ils vont justement. Mais je ne serais pas surpris qu'il y ait un échange qui se passe avec Pascal Siakam. OK. Donc, c'est pas surprenant. Allez, il me reste 5 minutes. Zion Williamson. Est-ce qu'il est encore blessé? Est-ce qu'il va devenir le joueur anticipé ou vraiment là, c'est les blessures vont le rattraper et il ne sera jamais le joueur qui était? Je pense qu'il va être une fois en santé. Ouais. Est-ce qu'il est en santé depuis qu'il est arrivé à l'NBA? Pas vraiment. Mais Danny, il a été opéré de son genou quand il était au secondaire. OK. C'est sûr qu'il va toujours avoir une situation de poids avec lui. Est-ce qu'il est capable de jouer avec ce poids-là? Pas 82 matchs, OK? Pas pendant 15 ans comme LeBron James l'a fait. Charles Barkley a joué à 300 livres dans la NBA. Puis c'est Moses Malone, quand Charles Barkley part toujours de Moses Malone, qui l'a mis à l'ordre. Quand il est descendu à 260 livres, là, il est devenu le All-Star qu'il devait devenir. Okay. Je pense que numéro un, Zion doit aller chercher son poids pour lui-même. L'autre chose, Danny, ça va pas bien avec les Pelicans. Il n'y a pas juste le poids. Ça ne tente plus de jouer pour les Pelicans. Il y a des situations avec la famille. Ouais. Il y a des contradictions qui se passent. Il voudrait être dans un gros marché, peut-être. Hein? Non, mais c'est même pas ça. Je pense qu'en ce moment, Zion... tu sais, quand tu prends du poids, quand tu joues pas, quand tu es blessé, puis là, tu as d'autres situations que tu essaies de régler, c'est trop d'affaires dans sa tête. Il y a trop de choses qui se passent. Il y a 19 ans, il y a 20 ans, c'est un jeune. Okay. Je pense que ça va être une histoire intéressante à suivre. J'y souhaite de bien se positionner et de revenir en santé parce que j'adore voir Zion jouer au basket. J'adore. Dernière question, les Knicks, il se passe quoi? Le diable est aux vaches, là. Ben, Tom Thibodeau a décidé de bencher Kemba Walker. Est-ce qu'il avait raison ou non? On ne sait pas. Ils ont commencé la saison en feu. Donc, les attentes à New York, Danny, tu sais comment c'est comme les Canadiens de Montréal. Et là, ça va pas bien. Puis, Tom Thibodeau, je m'excuse, c'est un monsieur de la vieille école. Tu sais, Stan Van Gundy, il est très bon comme analyste, mais il est plus coach. Parce que c'est de la vieille école. Ouais. Je pense que les Knicks ont besoin d'un jeune entraîneur, d'un nouveau visage. Un peu comme, tu sais, tu m'as mentionné pour la CEBA, je suis flatté, Danny, mais je pense que Joel va faire un excellent travail. Oh, ouais. C'est renommé. Fait que je pense que Tom Thibodeau, devient président d'équipe. Je pense que son style de coaching, la façon qu'il fait les choses, c'est peut-être pas... Il y a plein de choses qui se passent, mais moi, je ramène ça à Tom Thibodeau parce que les rumeurs dans le passé étaient... C'est une personne très difficile à travailler avec. Puis là, l'équipe fonctionne pas bien. Puis Kemba Walker ne joue pas, ne performe pas. Ils peuvent pas l'échanger. Personne n'est intéressé à lui. Fait que c'est tough en ce moment. Dernière question. Greg Popovich, il est à 15 du record de Dom Nielsen. Est-ce que... François Paquette me disait hier, à juste titre, d'après moi, il bat son record puis il prend sa retraite. Il n'y a plus le feu sacré. Je pense que tu as raison. Ouais. Il y a quelques années, sa femme elle est décédée. Ça l'a donné un petit coup. Il parlait de prendre sa retraite. Je pense que si son épouse ne serait pas décédée, probablement qu'il aurait pris sa retraite plus tôt. Okay? Disons la vérité. Ce n'est plus l'entraîneur de l'équipe olympique qui a décidé d'arrêter. Ça va être Steve Kerr en passant. Je ne sais pas si tu le savais. Steve Kerr va prendre la place de Greg Popovich sur l'équipe olympique. Je pense que c'est sa dernière saison, selon moi. Mon feeling, c'est sa dernière saison. Et donc, il termine puis il arrête. Pascal, merci beaucoup. On s'en parle durant le temps des fêtes pour la revue de l'année. Avec plaisir, Danny. Notre ami Pascal.